Micro ouvert. Il veut nous serrer la main. Moi, je ne serre pas la main, je suis désolé. Le sang de Congolais qui coule. Mais oui, c'est à cause de vous. Oui, c'est à cause de vous. À l'œuvre en 2006. Vous êtes le pyromane. Vous avez mis Kabila. Vous avez mis Kabila. C'est trouvé sur le net. Ajouté le 14 novembre 2012 et on entend le député européen Louis Michel qui tombe sur des combattants congolais. J'aime bien qu'il tombe, il tombe. Maintenant Kabila est là, vous n'avez pas eu la chance, vous n'avez pas mis Kabila au pouvoir. Si vous l'avez mis, vous l'avez soutenu. Il est là par vous. Mais non, monsieur. Mais il n'est pas là par vous. Mais non, pas par moi. Il est là par qui alors? Par les Congolais. Mais non, par les Congolais. Vous êtes sûr que les Congolais ont voté un Rwandais? Un Rwandais qui tue et qui aide ses frères Rwandais. Qui a voté pour Kabila? C'est ce que vous le voyez au moins. Non mais, monsieur Michel. Qui a voté pour Kabila? Monsieur Michel. Si vous, vous n'avez pas voté pour Kabila. C'est fouir, on parle, on est en débat, on fouille. Il ne faut pas fouir, on est dans un débat intellectuel. Qui a voté pour Kabila? Non, puisse quand même. Qui a voté pour Kabila? Je pense, je parle. Attendez, on va aller doucement. Mais monsieur Michel, je vous demande quand même. Je vous ne m'aurai plus bien. Non, vous voyez? Si vous voulez, si vous voulez. Vous êtes toujours fouillant. On ne vous a jamais eu. Mais si vous voulez fouillant, vous demandez à moi. Je n'ai pas besoin de vous voir. Moi, j'ai voulu expliquer, vous ne m'avez pas écouté, vous êtes parti. Écoutez, vous êtes ici en. Mais personne s'énerve, c'est vous-même qui vous énervez parce que c'est des questions qui vous dérangent. C'est des questions qui vous dérangent, monsieur Michel. Mes frères, mes soeurs sont mourir. Mes soeurs se font violer. C'est plutôt vous qui êtes bien ici en Europe pendant qu'on viole, on tue, après que vous ayez mis le feu au Congo. Vous n'avez aucun pouvoir là-dedans. Vous n'avez aucun pouvoir. Vous avez encore couru à moins de un mois au Congo, monsieur Michel. Vous écoutez. Eh bien, on vous écoute. On vous écoute. Moi, je ne peux pas vous. Mais on vous écoute quand même. Alors, je ne peux pas vous. Il n'y a aucun problème. Mais vous voyez, voilà le fouillant. Le fouillant, toujours comme ça. Génocidaire, un jour l'histoire vous jugera. Ça vous, il vous jugera, l'histoire vous jugera un jour. Ça vous rattrapera. Mais c'est trop, quoi. C'est trop, quoi. Il ne faut pas nous bander des yeux, nous fermer des oreilles pour dire que voilà, prenez votre avenir en charge. Et pendant que vous ingérez l'ingérence de notre canton dans notre pays, il faut oublier ça. On a juste essayé d'aider, on n'a pas fait. Mais vous ne nous avez pas aidé, monsieur. Vous ne nous avez pas aidé. Peut-être que. Si aujourd'hui on tue les gens là-bas, c'est à cause de vous. Non. Oui, non. Ce sont les occidentaux. Nous-mêmes, le fiancé par la communauté occidentale, ils nous ont aider à tuer les Congolais, c'est ce qu'il veut dire. Ben oui, c'est ce qu'il veut dire. Monsieur Michel, moi je pense qu'à un moment, on peut quand même parler de tout ça. Et qu'il ne faut pas fouir, c'est juste. Je ne on parle pas, avec je la ne colère. Pas, mais je n'accepte d'accord. Pas l'insulte. Hein. Mais personne ne vous a insulté, d'ailleurs, vous voyez personne. Non, ils ne vous insultent pas, ils disent que c'est. Mais voilà, c'est un moment, moi je crois que. Non, mais. Non, mais c'est juste que. Il y a des images qui parlent d'elles-mêmes. Il y a des images qui parlent d'elles-mêmes. Même si on dit n'importe quoi, il y a des images qui parlent d'elles-mêmes. Pourquoi? Mais les images, quand vous allez au Congo, vous êtes là, voilà. Il y a du progrès au Congo. Quand même, on voit depuis 10 ans, il n'y a aucun progrès au Congo. C'est de tout ça que nous parlons. Mais s'il y a des progrès, et ce n'est même pas de Kabila, s'il y a des progrès. Moi, j'ai des problèmes avec Kabila. Et je regrette, évidemment, qu'à un moment donné, il n'y avait que lui en qui on pouvait faire confiance. Mais est-ce que. Il y avait lui qui n'a pas voulu être candidat. Mais quand il a été candidat en 2011, on l'a aidé. Quand on lui a volé la victoire. Pourquoi est-ce qu'il y avait 5 candidats? Pourquoi est-ce qu'il n'était pas seul? Pourquoi? Mais parce qu'il était plus fort tout seul, de toute façon, parce que le peuple tout entier s'est mis derrière lui. Là, c'était le piège de l'Occident, pour tout simple. Mais oui, le piège de l'Occident, pour dire que pourquoi Tshisekedi, il y avait 5 candidats, ça l'a affaibli. C'est faux ce que vous dites. Tshisekedi n'a pas été affaibli parce que les autres valaient rien. Ils ont reconnu eux-mêmes que Tshisekedi avait gagné. Tous les autres candidats, ils ont reconnu. Sauf monsieur, et on a vu. Pourquoi on n'a pas fait ça? Dénoncé ça. Quand ils ont changé la constitution, je l'ai dénoncé. J'ai eu une bagarre avec Kabila. La constitution, elle a été rédigée où? Non, parce que nous, on a pas cette constitution qui régit le Congo. Ce n'est pas qu'on comprend rien, monsieur Michel. La constitution était une bonne constitution. Non, mais monsieur Michel, vous comprenez, en fait, nous sommes en colère parce qu'il y a des informations. Nous, nous sommes en colère qu'on nous dise aujourd'hui qu'on est bien ici en Europe. Moi, je me bats parce que je veux rentrer dans mon pays, monsieur Michel. Je veux rentrer chez moi. C'est plutôt que d'agresser les gens. Bon, il n'y a personne qui est en train de discuter. On cherchera à vous voir. Il n'y a que vous qui m'insultez. Non, il n'y a personne qui insulte, monsieur Michel. Personne ne vous insulte. Vous dites quoi que le sang des Congolais était versé à cause de moi. Mais oui. Allez. Beaucoup de Congolais pensent ça. Écoutez, moi, je veux bien qu'on discute. Vous venez me trouver. J'ai dit et je pèse mes mots. Vous venez me voir. Je le dis et je pèse mes mots. Qui a voté? Vous feriez beaucoup mieux. Ce n'est pas les Congolais. Mais les Congolais ont voté en 2011. Qui est au pouvoir? Non, mais est-ce que qui est au pouvoir? Les Congolais. Mais c'est lui qui discute. On ne discute pas. Oui, mais c'est ça. Vous avez ma carte, appelez-moi. Non. Ok, monsieur Michel, merci de nous avoir aidé quand même à organiser des élections dans lesquelles vous volez la victoire quand même au peuple, parce que dans le sens où c'est pas vous qui avez volé, et je le sais. Je sais que ce n'est pas vous, mais c'est dans le sens où il y a un peuple qui s'est exprimé, mais qu'on dit que non, c'est quand même Kabila qui a gagné, et malgré qu'on ait vu toutes les fraudes qui ont eu lieu, qu'on dit que ça ne remet pas en cause, ça ne change pas l'ordre de... Écoutez, avant c'est ça le discours qui fait. Ludo, de 8, le micro est branché. Nous sommes à Leuven. Alors j'avais envie de faire cette remarque. Je sais qu'elle est un petit peu énorme. Mais moi, je suis venu quoi, deux fois à Leuven. Et ce qui est fou, et on en discutait un peu hors micro... c'est que ça se passe en Belgique, il y a une population de gens qui parlent flamand. Alors je sais que c'est rigolo, et toi tu me disais que c'est la majorité. C'est juste ça? Oui, effectivement. Hein. Le tribut flamand, c'est plus ou moins 60% de la population belge qui, pendant très longtemps, a été dominée par l'élite belge qui était essentiellement francophone. Il ne faut pas oublier qu'il y a un siècle et demi, Bruxelles était une ville flamande, vraiment flamande. La grande majorité des gens parlaient le néerlandais, le flamand. Et c'est la domination francophone qui a fait que, par exemple, on devait parler le français pour la commerce, pour, dans la fonction publique, etc., qui a fait qu'en fait... Bruxelles s'est francophonisé chez la population, et aussi il y avait un process de francophonisation dans les grandes villes en Flandre. Mais donc c'est le mouvement flamand qui a combattu ça et qui pendant un très long temps avait un caractère progressiste, dans le sens qu'on voulait, par exemple, une université, un enseignement en flamand, dans la langue maternelle des gens, etc. Aujourd'hui, la situation est différente, hein, parce que la Flandre est devenue, vu la désindustrialisation en Wallonie, et le développement de l'industrie en Flandre, la bourgeoisie flamande est devenue dominante, et... le flamingantisme d'aujourd'hui est devenu une force conservateur utilisée par cette bourgeoisie justement pour s'écarter de la Wallonie, son histoire de syndicats, son histoire de socialisme, aussi pour se débarrasser des puits financiers, parce que la désindustrialisation a fait qu'il y avait beaucoup de chômage, par exemple dans le secteur du charbon, secteur de l'acier, etc. Donc maintenant la situation est différente, et on peut donc dire qu'il y a 50, 60, 70 ans, le flamingantisme avait un élément progressiste. Aujourd'hui, c'est devenu conservateur et réactionnaire. Merci Ludo. Je vais t'appeler, je le rappelle, Ludo de Witt est en face de moi et on ne le rencontre pas du tout pour parler de Leuven, mais plutôt on le rencontre parce que ça a été un personnage important, énorme quand même, hein, qui a d'abord écrit sûrement... pas que ça. Donc Ludo, toi tu es sociologue, c'est juste si je dis ça? Tu es sociologue flamand? Tu es d'accord si je dis ça comme ça? Oui, oui, exact, c'est parfait. Et tu as écrit, tu t'es fait connaître avec un premier livre qui s'appelait, enfin, qui s'appelle toujours, hein, L'assassinat de Lumumba. Un truc, enfin un truc, une affaire qui est énorme. Hein, ça s'est passé en 2000. Mm-hmm. Oui. Et ce livre, bah, ça a révélé l'assassinat. Bah, en quelque part, on le savait tous, hein, l'assassinat de Patrice Lumumba. Donc dans ce livre, tu expliques comment les raisons de ce meurtre et comment il a été perpétré, c'est ça? Et oui. Oui, en fait, Patrice Lumumba était le premier ministre congolais. Le Congo est devenu indépendant à partir du 30 juin 60. Et donc, 7 mois après l'indépendance, son gouvernement a été renversé et le premier ministre a été assassiné. Dès le début, on savait que les Belges avaient un rôle important dans cette affaire. Il ne faut pas oublier que après, dès qu'on avait annoncé la mort de Lumumba, on a eu un peu partout dans le monde des grandes manifestations anti-belges. Il y a notamment en Yougoslavie et en Égypte, il y avait des manifestations qui avaient presque complètement saccagé les ambassades belges là-bas. Donc on savait ça. Mais ce que j'ai fait dans mon livre, c'est sur base d'un travail archivistique acharné et sur base de certains interviews avec des gens qui étaient impliqués dans l'affaire, j'ai pu prouver, document à l'appui, que effectivement le rôle principal dans l'assassinat de Lumumba était des Belges qui ont œuvré à la commande du ministre des Affaires africaines. Et effectivement, ce livre, qui a été publié en néerlandais en 99, a provoqué l'instauration d'une commission parlementaire. Pourquoi ? Parce que déjà, trois années avant, j'avais écrit un livre sur le Congo où, en néerlandais, qui s'appelle « Crises in Congo ». Et dedans... Crise du Congo, c'est ça ? Crise au Congo, oui. Et dans ce livre, j'avais déjà donné quelques indications, quelques petites indications, mais quand même qui étaient très convaincantes en ce qui concerne le rôle de la Belgique dans l'affaire. Mais en 96, il n'y avait pas de réaction dans les médias sur cette affaire. Ouais. Mais Pourquoi, à ton avis ? Eh bien, en 99, trois années après, oui. Il y avait donc un grand brouhaha dans les médias. Il y avait une commission parlementaire qui a été instituée. Comment ça s'expliquait ? Eh bien, en 96, des personnes très importantes qui avaient un rôle ou qui avaient des attaches avec des gens qui avaient un rôle dans cette affaire étaient encore en vie. Par exemple, Mobutu. Le dictateur Mobutu était toujours en place, bien qu'il était en train d'être... renversé par Kabila. Et ce n'est qu'en 99 qu'on a réagi, parce qu'en 99, Mobutu était remplacé par Laurent-Désiré Kabila, et Laurent-Désiré Kabila, c'était un lumumbiste autodéclaré. Et le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Louis Michel, le père du petit Charles, il voulait jouer un rôle important sur la scène centrafricaine. Il y avait une guerre qui était en train de se dérouler là-bas et il voulait là-bas jouer un rôle diplomatique important, insistant sur des concepts comme les droits de l'homme, la démocratie, la paix, etc. Et donc, il serait pour lui très, très difficile de jouer ce rôle, mais en même temps dire bah, sur nos propres crimes on ne va pas parler. Et donc et mon livre c'était irréfutable, il y avait ce rôle de la Belgique, ça faisait un grand bruit au Congo. Et donc Charles Michel et le gouvernement ont senti qu'il était vraiment nécessaire de réagir à ce livre. Le but n'était pas de clarifier l'histoire, c'était plutôt comment digérer ce qui est dans le livre dans un sens qui était acceptable pour l'establishment belge. Quoi, il y a eu cette commission. J'ai plein de petites questions comme ça, vraiment intrigantes, parce que tu m'intrigues. J'aurais envie de dire comme ça, mais pourquoi? Pourquoi tu... Bon, calme. Les archives, par exemple. Comment as-tu accès à ces archives? Donc, c'est des documents secrets, quand même. C'est des documents que tout le monde n'a pas accès. Oui. Comment ça se fait que toi, tu as eu accès à ces documents à un moment donné? En fait, en principe, on peut avoir accès à des documents qui ont été écrits il y a 50 ans ou qui sont plus vieux. Hein. Et les documents que vous demandez, ils sont lus par une commission diplomatique, par des diplomates qui regardent les documents que vous demandez. Par exemple, vous demandez « donne-moi ». À tous les telex, les messages qui ont été échangés entre l'ambassadeur au Congo et le ministre des Affaires étrangères ici à Bruxelles pour l'année 60. Eh bien, tous ces documents sont alors lus par des diplomates et ces diplomates retirent les documents qu'ils considèrent trop sensibles. Eh bien, ce que j'ai fait, c'était un peu un travail de fourmi, parce que j'ai vraiment demandé tous les documents. J'ai vu des dizaines et des dizaines de milliers de documents, pas seulement dans les archives belges, mais aussi dans les archives de l'Angleterre. J'ai vu des archives congolaises, j'ai vu des archives privées. Et bien qu'il y a certainement des documents qui ont été retirés par des diplomates, si on met ensemble des documents qui sont dans une archive avec des documents d'un autre archive, tu peux voir l'interconnexion des événements et tu peux déduire, analyser, prouver certains éléments qui sont faits. Par exemple, je vous donne seulement un exemple. Il y a dans l'archive de Belge, par exemple, un document dans lequel un collaborateur du ministre des Affaires étrangères, c'était au moment où on était en train d'organiser la lutte contre Lumumba, il disait on va envoyer les deux enfants. C'est dans un document, ça. Bon, en soit... On va envoyer les deux enfants. Oui, voilà. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. On ne peut rien déduire de ça. Bien que ce sont des côtes, probablement. Parce que pourquoi on ne donne pas les noms des enfants, quoi. Et donc, eh bien, dans une autre archive, j'ai trouvé... des documents, un échange entre un agent des services secrets et ce même collaborateur du ministre qui parlait de la nécessité d'envoyer des tueurs à gages au Congo. Voilà. C'est ça, les deux enfants ? Voilà, exact. Donc, ça, c'est un élément qui dit que donc, parfois, les diplomates font un document, ils disent, bon, c'est pas chaud, ça révèle rien du tout. Mais en fait, si on met tous les éléments ensemble, tu arrives à des conclusions comme ça. Et le fait que c'était pas le but hein, que j'avais vu ces documents, parce que après, l'archiviste principal des archives du ministère des Affaires étrangères m'a raconté que Louis Michel en personne est venu dans les archives, il a engueulé le personnel et en fait on avait fermé les archives pour toutes les recherches sur le Congo, Rwanda et Burundi, donc pour les anciennes colonies de la Belgique. Au même moment qu'on organisait cette commission, soi-disant, pour trouver la vérité. Donc, tu vois bien que c'est une opération pour la galerie, en fait. Mais, fondamentalement, on voulait pas que cette vérité saute au jeu, quoi. Enfin, moi, ça ne m'étonne pas. Depuis l'histoire du monde et et des puissants et des choses comme ça, on cache. De toute façon, les gens commencent à connaître la chanson aujourd'hui. Hein. On cache la vérité et puis après X années, on saura ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe un peu aujourd'hui avec ton livre, L'assassinat de Lumumba, quoi. Oui, exact. Oui, enfin, vous êtes une femme intelligente. Il y en a encore, il y a encore des autres gens qui se réalisent ça. Le point est, il faut prouver. Il faut le prouver. Hein? C'est ça le problème. Hein? Je suis pour l'instant, j'ai fini mes recherches maintenant sur l'assassinat du premier ministre burundais, Louis Rwagasore. Après l'assassinat de Rwagasore, la mère de Rwagasore a giflé le résident général belge pour son rôle dans l'assassinat. Aussi, au Burundi, c'est la même chose. Tout le monde est convaincu que les Belges étaient derrière cet assassinat. La question est, il faut le prouver. C'est ça le point. Donc, et c'est ça quelque chose que je suis en train de... Enfin, que j'ai résolu maintenant. Je dois encore écrire ce livre, mais ça sera pour cette année ou l'année prochaine. Mais quoi, Ludo de Witt, donc vous avez fait une enquête, j'imagine que c'est minutieux, ça prend du temps, mais je n'ai pas bien compris. Donc n'importe qui peut avoir droit à ces archives au bout de 50 ans, c'est ça ou j'ai mal compris? En principe, oui. En principe, oui, mais... Tu ne peux pas voir tous les archives. Hein. Par exemple, les archives de la Sûreté, vous ne pouvez pas le voir, sauf quand vous avez une autorisation qui est donc donnée par la Sûreté elle-même. Donc, il faut avoir une certaine lettre de créance qu'il faut avoir. Moi, j'ai pas eu cet accès. J'ai eu la chance que... En Belgique, l'état des archives, et ça c'est aussi une des conclusions de la commission, est tellement mauvais que même dans les archives diplomatiques, il y a encore des documents de la sûreté dedans qui ont été pas retirés et mis et redonnés au service de la sûreté. Mais en principe, tout le monde peut avoir accès, sauf les archives personnelles, qui ont un lien, qui sont des dossiers personnels, les archives pénales, on ne peut pas voir en principe, et donc les archives de la sûreté. Mais pour le reste, en principe, chaque chercheur ou quelqu'un qui veut faire des recherches peut demander cet accès. Maintenant, si c'est toujours accordé, ça je ne sais pas. Il y a en Belgique... Et pas seulement en Belgique, mais il y a en Belgique une attitude latente de racisme. Je ne suis pas sûr que tous les Congolais ou les Africains ont accès à tous ces archives. Pour vous donner un exemple, au moment où on a instauré cette commission parlementaire, on a donc rassemblé une équipe de 15 parlementaires, membres de la commission. Et le travail de cette commission était guidé par des experts, des historiens. Et donc, moi, à cette époque-là, j'ai proposé d'inclure dans cette équipe d'experts des Congolais. Parce que c'est en premier lieu leur histoire. Et donc, alors, on est venu avec l'idée d'y intégrer quelqu'un comme Zana Etambala. Zana Etambala était lié à la démocratie chrétienne. Et donc le ministre qui est impliqué dans cette affaire, c'est un ministre démocrate chrétien. D'ailleurs, Zana Etambala avait, juste après la publication de mon livre, écrit un livre, une analyse de mon livre extrêmement critique, plutôt négatif, donc. Sa neutralité était en question. Et donc, j'ai dit que bon, ça va pas, il faut vraiment inclure un Congolais. Et ce qu'on a fait, c'est on a demandé à Jean Omasombo, qui est un politicien congolais, de faire partie de cette équipe d'experts, mais il était déclaré expert ad hoc. Il n'avait pas le même statut que les 4 experts blancs qui sont dedans, ce qui impliquait qu'il n'avait pas accès aux archives. Et donc, Après la commission Lumumba, Jean-Oma Sombo, il a écrit une analyse de ses expériences dans la commission, et il a écrit, et maintenant je cite littéralement, « J'étais le nègre de la commission ». Donc ça vous dit quelque chose de l'attitude néo-raciste dans ce pays. Et donc, effectivement, en ce qui concerne les archives, je ne suis pas sûr qu'un chercheur noir aurait le même accès aux archives que moi. Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Mais donc, on est bien dans quelque chose d'absurde. Ça sert à quoi, cette commission parlementaire, après la sortie de ton bouquin, pour dire oui, de l'assassinat de Lumumba en 2000, on crée une commission parlementaire pour se dire « Oh oui, la Belgique, pour finir, doit vraiment regarder ce qu'elle a fait ». Ça sert à quoi, en fait? Ben non, en fait, la commission a essayé de se dédouaner un peu. Mais bon, dans mon livre « L'assassinat de Lumumba », les épreuves étaient tellement écrasantes que c'était impossible de dire « On n'a rien à faire avec cette affaire ». Et donc, on a tiré une conclusion un peu Ponce-Pilate, on dit ça, Ponce-Pilate. Donc, entre les deux, et on a dit, oui, la Belgique a une responsabilité morale dans l'assassinat de Lumumba. Maintenant, au moment où la commission, le président de la commission a, sur une conférence de presse, défendu ses conclusions, il y avait plusieurs journalistes qui ont lui demandé 3-4 fois, mais qu'est-ce que ça veut dire une responsabilité morale? Et on n'a jamais eu une réponse. Et finalement, il y avait un journaliste flamand qui a mis comme titre au-dessus de son article « België heeft een moord op zijn geweten ». Donc ça veut dire « La Belgique a un meurtre sur sa conscience ». Dans ce sens, c'est moral. Mais en fait, ce n'était pas ça le but donc, de la commission. Il y a eu des excuses pour la famille Lumumba, mais on a évité d'indiquer nommément des gens qui étaient impliqués, qui étaient pourtant une des tâches officielles de la commission, et on n'a pas dit qu'il y avait une responsabilité concrète. Ce n'était que moral. Et ça, c'est important, parce que si on doit avouer qu'il y a un rôle concret dans un assassinat, ça implique énormément de choses. Notamment, il faut dédommager la famille. Et en plus, il ne faut pas oublier que assassiner Lumumba veut dire installer la dictature de Mobutu. Parce que c'est ça ce qu'on a fait. On a remplacé le gouvernement démocratiquement élu de Lumumba par une dictature de Mobutu, qui a eu des conséquences terribles pour ce pays et pour tout le continent. Et donc, reconnaître une responsabilité concrète dans l'assassinat de Lumumba implique une responsabilité écrasante avec des conséquences matérielles énormes de la Belgique dans la tragédie qui se déroule maintenant pendant des décennies en Afrique. Et c'est ça qu'on a voulu éviter, quoi. Et donc, c'est notamment ça, donc le fait que... Moi, je trouve ça dingue, Ludo, mais qu'il y ait une commission qui se met en place parlementaire et qu'en fait, elle s'auto-censure elle-même pour ne pas qu'il y ait de... C'est dingue, ça. Pourquoi il n'y a pas eu de gens extérieurs pour vraiment mettre le nez dans le caca, comme on dit Comment ça se fait que ça s'est passé comme ça? Comment ça se fait que ça se passe comme ça, pour finir? Un engagement moral, c'est rien du tout, quoi. Enfin, c'est... Mais en fait, l'élite dominante est organisée comme ça pour éviter cette responsabilité et la reconnaissance de cette responsabilité. Pourquoi? Parce que... L'élite dominante veut garder ses mains libres aussi aujourd'hui pour intervenir dans le monde, pour jouer son rôle diplomatique, économique, financier, militaire. Et donc, si on doit commencer à dire, nous autres, on est responsables pour des crimes de guerre pour des assassinats politiques, etc. Donc, ça limite ta possibilité d'intervenir. Et c'est ça qui explique pourquoi, même après la commission Le Monde, et même après mon livre, il y a toujours, même aujourd'hui, il y a une lutte de la part de l'élite et des académiciens et des journalistes qui sont liés à cette élite pour minimaliser toute cette responsabilité dans toutes ces pages noires de l'histoire de la Belgique, quoi. À quoi ça voudrait dire, on va essayer d'aborder tous les sujets, hein, parce que après, quoi ça voudrait dire qu'on ne peut pas changer les choses ? Que ton livre, mais clairement, il montre celui-là, parce qu'il y en a un nouveau que tu as écrit là. L'assassinat de Lumumba, c'est celui qui a un peu fait tempête, hein, qui montre noir sur blanc l'assassinat. Comme tu dis, il fallait des preuves. Tu as fait ce travail. Mais quoi, ça voudrait dire qu'un livre peut créer une petite bombe de rien du tout, puisqu'on ne peut pas changer les choses. Ça reste... voilà, ça reste quand même... tu comprends ce que je veux dire ? Oui. Est-ce qu'on ne peut pas changer les choses ? Oui et non. Tout dépend... Un livre en soi ne peut rien changer, ça c'est sûr. Et je crois... Parce que moi j'ai écrit ce livre justement démontrer à quoi les élites sont capables quand ils croient que leurs intérêts fondamentaux sont en danger. Parce que la crise congolaise de 60-61, c'est la première fois que l'élite belge a senti dans toute son histoire que ses intérêts fondamentaux étaient en danger. C'est aussi vrai pendant les deux guerres mondiales, mais alors les Allemands ont écrasé l'appareil belge, donc c'était pas... en jeu, mais en 60, vraiment, l'élite belge a cru que Lumumba, qui était pas un communiste, mais quelqu'un qui était vraiment un politicien qui voulait décoloniser à 100% son pays, ce qui impliquait qu'on devait finir avec les super profits, avec tous les avantages structurels pour toutes les sociétés coloniaux qui étaient les joyaux de la couronne de la Belgique, qu'elle a cru que ses intérêts fondamentaux étaient en danger. Alors, on a vu comment ils ont réagi. En écrasant un gouvernement, en organisation, une sécession, intervention militaire, assassinat politique, corruption, etc., etc. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Mais un individu peut réagir à ce livre de différentes manières. Il y en a des gens qui, en lisant l'assassinat de Lumumba, sont révoltés, prennent une conscience de la vicissitude de l'impérialisme. Mais il y a aussi des gens qui ont une réaction plutôt l'inverse, qui sont intimidés par le fait qu'on a pu organiser ce type de crime de guerre et qu'on a pu faire ça sans être puni pour ça. Donc la seule moment avec lequel un livre comme l'assassinat de Lumumba peut avoir une implication, c'est que quand ce livre est repris par un mouvement politique, par un mouvement de masse, en premier lieu au Congo, mais aussi dans les milieux progressistes ici en Belgique, qui reprennent les conclusions de ce livre et qui l'intègrent dans un programme politique justement pour lutter contre cette domination impérialiste qui existe, quoi. Donc, tout dépend de ça. Et pour l'instant, au Congo, il n'y a pas ce mouvement qui peut reprendre le chemin de Lumumba et qui peut intégrer les conclusions de ce livre dans une tactique et stratégie pour un pays meilleur, quoi. On va venir à ton nouveau livre, L'Ascension de Mobutu. Mais avant, pour terminer sur l'assassinat de Lumumba, tu t'attendais à une telle réaction en écrivant ce livre ? Non, pas vraiment. Parce que, enfin, l'élite avait deux possibilités. Ou bien étouffer dans l'oubli. L'élite, c'est l'élite belge. Hein. Oui, l'élite belge, hein, pour étouffer dans l'oubli cette affaire. Moi, je savais que la situation était changée, que Mobutu n'était plus là, que Kabila était là, l'oubombiste autodéclaré. Mais je savais aussi que Kabila était extrêmement faible. Il ne faut pas oublier que dans le gouvernement de Laurent Désiré Kabila, il y avait la fille de Lumumba, mais aussi la fille de Tshombe. Et Tshombe était un adversaire mortel de Lumumba. Donc, pour Kabila, c'était vraiment... bon, il était un peu pris entre plusieurs feux, quoi. Et pour lui, il n'avait pas un grand marge de manœuvre. Donc, je n'étais pas certain que... il y aura une réaction. Et moi, je crois que, en fait, Louis Michel avait un peu mal jugé le gouvernement congolais. Il avait cru que, pour lui, c'était vraiment essentiel de réagir à ce livre, parce qu'autrement, il aura des problèmes avec le gouvernement congolais. Mais je crois que s'il n'aurait pas réagi, je crois que ça n'aurait pas eu beaucoup d'effet pour lui, parce que le gouvernement Kabila était assez faible dès le début. Non, je n'avais pas attendu une telle conséquence à la publication de l'assassinat de Lumumba, non. On parle de l'ascension de Mobutu, ton nouveau livre qui vient de sortir, qui est tout chaud, qui sort du four. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est la suite, alors? Qu'est-ce que... Comment... Ben voilà, je te laisse présenter. Je ne l'ai pas lu. Oui. En fait, ce livre, l'ascension de Mobutu, c'est le complément de l'assassinat de Lumumba. Pourquoi? Dans les médias et aussi dans des films et des documentaires, on présente Lumumba comme un héros, un individu avec des capacités énormes. Et ce qu'on oublie, c'est que en fait Lumumba n'était que l'expression d'un mouvement de masse au Congo. Il y avait vraiment, avant l'indépendance, un mouvement anticolonialiste, nationaliste, qui avait mobilisé des centaines de milliers de Congolais. Et ça, on n'est pas vraiment au courant, ça. On en parle très oui, peu, ça. Oui, exact. Exact. Donc, Lumumba s'est hissé à la tête de ce mouvement. Il est devenu le porte-parole de ce mouvement. Et le fait que, une fois que le gouvernement Lumumba a été renversé et que Lumumba lui-même a été assassiné, et que la Belgique avait pu instaurer un gouvernement pro-occidental, ça n'a pas changé le fait que cette révolution coloniale, le fait que de larges masses de la population au Congo aspiraient toujours à une indépendance réelle, à une indépendance de la Belgique, à un gouvernement nationaliste. Et ce que j'ai décrit dans le nouveau livre, c'est exactement ça. En 1961, avec l'instauration d'un gouvernement pro-occidental après l'assassinat de Lumumba, l'Occident pensait que peut-être que le problème était réglé pour eux. Mais ce n'est pas vrai. Et on a vu ça au courant de l'année 1963, 67, où partout au Congo, il y avait des rébellions qui se sont éclatées, des rébellions de la population contre ce régime pro-occidental dans la capitale. Avec Mobutu, alors? Oui, Mobutu est le chef de l'armée. Il était le chef de l'armée, mais officiellement, il y avait le président Kassavubu, qui était en place, une armée qui était corrompue dès le début par l'Occident, par la CIA, par la Belgique, avec des militaires qui recevaient pas beaucoup de soldes et qui arnaquaient la population, qui violaient des femmes systématiquement. Il y avait des mutineries à l'intérieur de cette armée terrible. Donc, il y avait vraiment un ras-le-bol chez la population. Et donc, fin 63, début 64, il y avait des rébellions qui se sont éclatées un peu partout. Et donc c'était la révolution anticoloniale, la révolution nationaliste qui de nouveau levait la tête. Et dans un laps de temps très court, dans trois mois, les rebelles réussissaient à contrôler la moitié du territoire du pays. On les appelait les Simba ou les Moulélistes. C'était le Moulélé, c'était le nom du ministre de l'Éducation nationale de Lumumba et qui avait pris la tête de la rébellion au centre du pays. Mais donc c'était surtout à l'est du pays que les Simba ont pris de terrain immense sur le régime dans la capitale. Et surtout aussi, ils ont pris Kisangani, Stalinville, qui est quand même une ville, la troisième ville du pays, et qui était donc très, très important. Et cette pour résumer, en fait, l'affaire, en fait, la Belgique a donc décidé d'envoyer des officiers belges qui ont organisé une armée de reconquête, dont le fer de lance était 500 mercenaires et qui était suivi par des troupes congolaises, soutenues dans l'air par une flotte aérienne qui était dirigée par la CIA par la Belgique. Et finalement, en novembre 1964, cette armée de reconquête a pris la citadelle de la rébellion, Stanleyville Kisangani, dans une opération coordonnée avec des actions sur le sol, donc par les officiers belges et par les mercenaires, et par des paracommandos belges qui ont été lâchés sur la Velle en même temps. C'est une opération complètement coordonnée. Et pendant cette reconquête, et pendant la reconquête de Stanleyville, on a organisé des massacres épouvantables. On a vraiment écrasé dans le sang cette rébellion. C'est très difficile à dire combien de morts on a fait. Il y a quelques centaines de milliers de Congolais qui ont péri dans cette opération. En tout cas, c'était une reconquête qui était tellement dévastatrice que la population était complètement atomisée, était complètement brisée. La volonté de résister était évaporée. Et c'est sur base de cette cimetière politique, en fait, que Mobutu a pris donc facilement, sans grand éclat, pu prendre, instaurer sa dictature militaire. Et donc c'est une dictature qui a donc survécu pendant plus de 30 ans et donc dont les conséquences sont encore tangibles jusqu'à aujourd'hui, quoi. Oui, donc l'ascension de Mobutu, ton nouveau bouquin, ça raconte aussi surtout avant que Mobutu n'arrive, quoi, c'est ça ? C'est ça que ça... Oui, en fait, ça explique comment Mobutu, comme chef militaire qui soutenait ce gouvernement pro-occidental, était complètement incapable de mater toutes les rébellions qui se sont éclatées dans le pays. Et donc, à son aide, sont donc venus les militaires belges, les gens de la CIA, des mercenaires qui lui ont donc aidé à écraser ces mouvements nationalistes et qui, en fait, l'ont aidé à prendre le pouvoir. Il a pris le pouvoir, il ne faut pas oublier, avec le soutien et avec l'encouragement, pas seulement de la CIA, parce que ça, c'est quelque chose qui est connu, mais aussi la Belgique, hein. Par exemple, dans mon livre, je donne des documents, notamment des documents du ministre des Affaires étrangères, Paul-Henri Spaak. Et sur son cabinet, son chef de cabinet, Étienne Davignon, qui gérait les dossiers congolais. C'est Spaak qui, dans des messages à son ambassadeur, disait, il faut vraiment pousser Mobutu à l'action, il doit prendre des initiatives pour stabiliser la situation dans le pays, quoi. Donc, c'est directement, c'est tout à fait clair que aussi bien les Américains que les Belges étaient derrière cette initiative pour mettre Mobutu en selle, quoi. Mais c'est dingue parce que c'est toujours un peu la même histoire. Hein. On zigouille les gens qui sont contre, hein, contre l'Occident, ou en tout cas qui ont envie de se réapproprier leur économie, leur terre, leur vision du monde. Et en fait, chaque fois, ça part en cacahuète avec des morts, dans la tragédie. Mais quand on parle de pro-occidental, hein, on dit que Mobutu était pro-occidental. Ça, je sais que c'est compliqué peut-être à expliquer, mais en gros, ouais. Ça veut dire que le Mobutu, là, il est partagé entre son pays ou pas du tout, ou alors il est simplement une marionnette. C'est comme ça qu'on dit aussi souvent, hein, c'est une marionnette au service des grandes puissances, en fait. Non, je crois qu'il faut être nuancé. En 60-61, au moment de l'indépendance, les politiciens pro-occidentaux étaient plutôt des marionnettes. Ils n'avaient pas d'expérience, ils n'étaient pas formés, il n'y avait pas de tradition de négocier avec l'Occident sur le terrain international et tout. Il ne faut pas oublier que pendant l'époque coloniale, la Belgique n'avait pas formé des élites, hein. Il n'y avait que, au moment de l'indépendance, un peu plus d'une dizaine d'universitaires au Congo. C'est tout. C'est vraiment tout. Lumumba même, il n'avait pas fini la première guerre de son école, quoi. Il a été à l'école de la poste, parce qu'il a été postier. Donc, en 60-61, les politiciens étaient extrêmement faibles. À fur et à mesure qu'ils étaient mis en selle en 61, dans les années, en 64-65, ils commençaient à avoir déjà une certaine autonomie. Mais c'était une autonomie très limitée, quoi. On peut le comparer avec la relation entre, disons, d'un côté la Belgique et les États-Unis et des gens comme Mobutu, comme la relation entre un père et une mère et un adolescent. L'adolescent a une certaine marge de manœuvre pour faire des choses, mais c'est limité. Et pour les grandes décisions, hein, ce sont les parents qui décident. Donc c'est un peu ça la relation entre Mobutu et l'Occident. Mais une chose est claire, c'est que, à la différence de Lumumba, Mobutu était prêt à sauvegarder les intérêts économiques coloniaux de la Belgique. Et ça, pour la Belgique, était essentiel. Je dis ça aussi dans mon livre, non ? Il y a, par exemple, l'ambassadeur de la Belgique au Congo. Il disait ça à ses collègues, à l'ambassadeur britannique, par exemple. Il disait, la seule chose qui nous intéresse, c'est faire de la commerce, faire du profit. Il le disait ouvertement. Et donc, sur ce point-là, Mobutu disait, moi je suis tout à fait d'accord pour faire ça. Et il a fonctionné comme ça dans ce système international comme une sorte de sous-traitant de l'Occident. Il laissait exploiter les richesses au Congo qui sont énormes, à la profit de la Société Générale, de l'Union Minière, etc. Et lui, il recevait une certaine dividende pour ça, donc avec lequel il s'est enrichi, quoi. Et sa tâche était donc de garder la population soumise, il accepte ce système d'exploitation et donc cet sous-développement, en fait, du pays, quoi. Oui, l'idée, c'est toujours ce rapport entre les élites et on ne s'occupe pas vraiment du peuple, ou alors on lui donne un petit peu comme ça pour qu'il ne se rebelle pas, quoi, en fait. C'est ça aussi, oui. L'idée. Oui, exact. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et à un certain moment, j'étais au Congo. J'étais en train de chercher l'arbre au Katanga où on a exécuté Lumumba. Et à ce village, tu vois là-bas des enfants de 4-5 ans qui sont en train de jouer dans la boue, qui n'ont jamais vu une école et ne vont jamais aller à une école. Et bon, il y a une pompe électrique dans le village, mais elle est foutue. Et donc les femmes, elles doivent chaque année aller chercher de l'eau sale dans une petite rivière à 5-6 km de là-bas. Tu dis chaque année ? Non, chaque jour. Chaque jour. Okay. Oui, chaque année. Non, non, non. Et attends, tu parles super bien français. Hein. Bravo. Non, mais c'est ça qui est fou, parce que les Flamands parlent mieux français que les Français ne parlent flamand. Moi, je ne parle pas du tout flamand, mais bravo, vraiment. Oh, merci, merci. Mais ce qui m'a choqué, c'est que tu vois cette misère là-bas, des gens là-bas, et en dessous de leurs pieds, il y a toutes les richesses du monde. Il y a le cuivre, il y a le diamant, le coltan, etc., etc. Et au-dessus de leur tête, il y a donc les grandes lignes électriques qui envoient de l'électricité vers les sociétés minières étrangères qui donc exploitent les gisements minières et qui les transportent vers l'étranger. C'est ça vraiment la contradiction insupportable qu'on a. Et c'est vraiment ce qu'on appelle de vloek van de grondstoffen en néerlandais, donc de curse, en anglais c'est de curse, donc c'est, comment on dit ça en français, je sais maintenant, je sais pas le mot. Merde, moi je parle à peine de français en plus, quoi. Non, moi je parle à peine. Ça veut vraiment dire que si on est riche, on est forcément pauvre, parce que cette richesse elle est tellement convoitée, elle est tellement prise par les pouvoirs dominants qui sont forts financièrement, militairement, qu'il n'y reste plus rien pour vous. Je pense par exemple à cette expression de Henry Kissinger, qui était un des grands diplomates américains, une des plus importants diplomates américains depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et à un certain moment, il avait dit « Le pétrole, c'est un produit stratégique qui est trop important pour la laisser aux mains des Arabes. » Et c'est un peu ça. On dit, c'est tellement, cette richesse, on ne peut pas la laisser aux Congolais, aux Africains, non. Et donc, c'est ça, cet impérialisme qui produit le sous-développement. Et des gens comme Mobutu, ils ont un rôle clé dedans. Hein. Ce sont des sous-traitants qui doivent garantir donc cette exploitation. Il a bien joué son petit rôle, Mobutu, dans l'histoire de l'Occident, quoi. Oui, c'était un homme très intelligent. Hein. Ah ouais. Oh, oui, oui, absolument. C'était un type extrêmement intelligent. C'était pas un fou, parce que bon, on pouvait choisir un autre militaire pour prendre. Parce que, à mon avis, installer une dictature au Congo était inévitable. Pourquoi? Parce que la Belgique n'avait jamais pendant. Non, excuse, je te coupe. Justement, tu crois que tu trouves que c'est intelligent d'installer une dictature avec Mobutu? C'est intelligent? Non, attends, ben là, on s'égare. Non, je vais répondre à ça. Pendant l'époque coloniale, la Belgique n'a pas construit une élite nationale. Ils ont dit c'était un colonisateur extrêmement borné, pas de vision à long terme. Ils ont dit leur aphorisme était ventre plein, nègre content. Hein, quand ils ont la bouffe, bon, ils n'ont pas besoin de beaucoup de plus. Mais donc, pour ça qu'ils ont limité, ils disaient pas d'élite, pas des nuits. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dit il ne faut pas trop d'universitaires et tout. C'est normal, oui, quelque part, c'est logique. Oui, à court terme, oui. Mais par exemple, les Français et les Anglais étaient plus intelligents. Ils ont quand même laissé développer une élite nationale, locale, qu'ils avaient bien intégrée dans leur système, qui était conservateur. Mais la Belgique n'a pas fait ça. Et donc, à un certain moment, je vais vous lire, parce que le roi Baudouin, avant l'indépendance, au moment où la révolution anticoloniale était en plein essor, il a fait un discours et il disait, c'était très perspicace, il disait: des forces tumultueuses se sont mises en branle sans que des élites sages et expérimentées fussent présentes en nombre suffisant pour les encadrer et diriger. C'était ça. Il avait raison, le roi Baudouin. Il n'y avait pas une élite nationale conservateur. Mais noire, alors. Noire, hein. Oui, noire, bien sûr, noire. Je ne comprends pas ce que tu veux dire là, parce que quelque part, oui, je comprends pas ce que tu veux dire. Quoi, tu préfères des gens instruits? Non, moi je, non, dans l'intérêt de l'impérialisme, au moment de l'indépendance, il serait très avantageux d'avoir une élite locale noire, conservateur, à laquelle qu'on pouvait transférer le pouvoir politique. Et qui donc serait ministre, des grosses voitures, mais qui allait continuer le système d'exploitation en vogue. Ça serait bien. Mais on n'avait pas cette élite. Ça j'ai compris. Mais... Et donc la seule élite qu'on avait au moment de l'indépendance, c'est cette petite couche sociale de dirigeants nationalistes autour de Lumumba qui s'étaient formés dans le feu de la lutte anticoloniale. Mais c'était des gens radicaux, des gens qui voulaient faire des accords secrets avec la Belgique, qui ne voulaient pas que la Belgique continuait les sociétés coloniales belges au Congo, qui avaient parfois des concessions, des terrains terribles qui étaient grands plusieurs fois la Belgique. Donc, ils ne voulaient pas ça. Et donc, ça, c'était un problème pour l'élite. Et donc, la seule élite qu'on avait, c'était cette couche de nationalistes autour de Lumumba. Et une fois qu'on avait écrasé cette couche, il n'y avait plus rien pour tenir sous contrôle ce pays. C'est ça que tu veux dire, oui. Sauf que l'armée, les bottes des soldats, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on forcément... assassiner Lumumba, aller produire une dictature. Et donc, on pouvait... Il y avait plusieurs militaires qui étaient capables. Il y avait, par exemple, Moulamba. Enfin, je n'en nomme qu'un. Mais on avait pris Mobutu. Et Mobutu, on avait fait, du point de vue de l'Occident, au début, c'était un bon choix parce que c'était un type très intelligent. Mais bon... En quelques mots, pourquoi tu le trouves intelligent? Parce que franchement, moi, de mon point de vue, ce que j'en sais, parce que j'ai un peu bouquiné quand même, le gars, c'est plus dans l'apparat, enfin, tu vois, plein de maisons, enfin, vraiment, rien d'intéressant pour son... Moi, pour moi, l'intelligence, c'est vraiment le gars qui réfléchit avec les autres, comment on va sortir de là à plusieurs, quoi, tu vois, là, il est un peu à l'image de ces gens qui sont dans l'apparence, quoi. Oui, oui. C'est ça, être intelligent. Non, mais est-ce, ta définition d'intelligent est plutôt quelqu'un qui est coopératif, qui non, Mobutu était... C'était un fin tacticien et stratège, aussi bien pour écraser les nationalistes autour de Lumumba, aussi bien dans les négociations avec l'Occident. Bien sûr, il est vrai que après quelques années, sa dictature est devenue de plus en plus despotique, de plus en plus autoritaire. Les gens avaient peur, quoi. Il faisait des trucs énormes. Oui, bien sûr. Donc avec, quand j'ai dit qu'il était intelligent, je veux pas dire que c'était enfin. Göring, la main droite de Hitler, était aussi très intelligent. Hein. Ça dépend de quelle intelligence on parle. Moi, j'aurais pas envie de dire, en tout cas, que ces gens sont intelligents. Non, il était intelligent. Pour moi, il faut être... Oui. Enfin, voilà. Non, il était intelligent parce qu'on a vu ça. Par exemple, il était d'accord avec le transfert de Lumumba vers Katanga où il a été assassiné. Donc, dans un sens, Mobutu avait un rôle dans l'assassinat de Lumumba. Il est responsable pour des milliers et des milliers de nationalistes, des Lumumbistes qui ont été assassinés. Mais qu'est-ce qu'il fait deux années après qu'il devient dictateur? Il déclare Lumumba héros national. C'est diabolique, mais c'est diabolique, mais avec une intelligence énorme. C'est stratège, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. C'est ça ce que je veux dire. Ouais. Et donc, comme ça, il a en quelque sorte, il s'est hissé dans le drapeau nationaliste, quoi. Et comme ça, il a pu poser en Afrique, bien qu'il était au début conspué par tous les dirigeants, comme un dirigeant africain authentique, qui est anti-occidental, et, mais dans le fond, c'était juste l'inverse, quoi. Donc dans ce sens, il était, c'était une intelligence parfois diabolique qu'il avait. Hein. Bon, Ludo de Witt, ça s'appelle L'ascension de Mobutu. Hein. D'ailleurs, il y a une préface de Jean Ziegler dedans. Hein, comment la Belgique et les USA ont installé une dictature. Voilà, ça c'est ton nouveau livre qui sort. On arrive à la fin. Et sinon, il y a aussi ce livre qui a fait beaucoup parler de lui, L'assassinat de Lumumba, hein, si on veut, c'est la suite. J'aurais une dernière question. C'est pourquoi, en fait ? Pourquoi tu t'intéresses à toute cette histoire ? Comment ça se fait ? Ben, en fait, ça, c'est vraiment, ça a commencé justement par curiosité, parce qu'un jour, j'ai lu un livre de Jules Chaumet, qui est un avocat belge, et qui était une des rares sympathisants de Lumumba. Et il avait écrit un livre, Moïse Tshombe ou l'escroquerie katangaise, dans lequel qu'il essaye d'expliquer ce qui s'est passé en 60-61. Et ça m'a vraiment choqué de lire qu'il y avait tellement de trous dans l'explication, bien que l'assassinat de Lumumba, à mon point de vue, est une des assassinats les plus importants du XXe siècle, parce que ça avait eu des retombées pour tout le continent. Et donc, je suis commencé à fouiller dans des livres, parler à des gens. Finalement, ils m'ont suggéré de contacter d'autres gens, des archives. Et comme ça, je suis tombé dans une sorte de, on peut dire, une enquête policière, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est mon premier but. Mon deuxième but était justement ce que j'ai dit tantôt. En période de paix, la classe dominante est invisible. Elle n'a pas besoin de sortir. Ce sont ces politiciens qui gèrent les affaires en temps calme. Mais dans des périodes de crise, dans des périodes charnières, dans des périodes où ils croient que vraiment leurs enjeux sont... Alors ils sortent et ils font des choses. Et alors on voit leur vraie nature. Et donc c'était aussi un but éducatif que j'avais, c'est de démontrer, de dénuer... la nature exacte de cette élite qui, en fait, est assise sur des richesses énormes qui, en grande partie, sont volées des peuples du Sud et qui n'a qu'un seul but, c'est de continuer à faire ça. Ça s'appelle un peu, moi je l'appelle comme ça, maintenant je ne dis pas que tu as dit ça, mais ça s'appelle de l'hypocrisie aussi. C'est très hypocrite, je trouve, notre système politique. Devant, il vous dit... Oh, le bien des gens, nanani. Et en dessous, en fait, c'est horrible. C'est dingue, d'ailleurs. Et je trouve que ça devient de plus en plus flagrant. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est hypocrite, ça devient obscène. Ça devient vraiment, quand on voit les inégalités, comment ils augmentent aujourd'hui. Le fait que une quarantaine de personnes ont pas un revenu, mais qui ont des possessions qui sont aussi grands que celui de la moitié de la population mondiale, c'est-à-dire 3,750 milliards de gens. Tout ça, ça devient intenable. Et je crois que d'une façon ou d'une autre, il faut renverser la courbe, il faut avoir une contre-offensive. Et j'espère qu'avec mes livres... qu'il y a aussi en Afrique, mais aussi ici, que les gens prennent connaissance de la nature de l'ennemi contre lequel qu'il faut se mobiliser et donc tout ce que ça implique, quoi. Donc, j'espère que... Enfin, je ne sais pas si je peux dire ça, mais le 1er mars, oui. on a la présentation officielle du livre L'ascension de Mobutu au VUB. Avec beaucoup d'intervenants importants, notamment le professeur Elikia Mbokolo, professeur congolais qui a vraiment fait, qui fait des travaux remarquables sur la colonisation, avec l'ambassadrice de Cuba qui sera là. C'est aussi très important parce que dans mon livre, je décris aussi que les Cubains étaient les seuls qui sont venus à l'aide des rebelles. Avant la prise de pouvoir de Mobutu, il y a Che Guevara, avec plus de 100 internationalistes qui est venu au Congo. Et j'ai pu, à Cuba, parler avec 6 Cubains qui étaient avec Che Guevara au Congo. J'ai aussi parlé avec la main droite de Fidel Castro pour l'Afrique. Et donc, je crois que j'ai vraiment dévoilé tous les éléments de cette histoire-là, qui est quand même très, très passionnant. Il y a aussi Picho, le rappeur, qui va venir. Donc, il y aura, ce sera vraiment une soirée remarquable. Donc, j'espère que les gens qui ont le temps, qu'ils peuvent venir. Et pour terminer, c'est en fait comprendre aussi toute la mécanique. C'est ça, hein, la mécanique, comment ça se joue, quoi. C'est ça aussi que racontent tes livres, quoi, quelque part. C'est... Oui, bien sûr. Voilà. Et surtout que derrière la façade officielle, derrière ce qui est dit par les politiciens... Par les grands médias aussi. Par les grands médias, oui, qu'en fait, derrière tout ça, il y a ce que les Américains nomment le « deep state ». Donc, ce sont les structures fondamentaux en dessous de la surface qui fonctionnent. Et dévoiler ça, je crois que c'est important pour comprendre le monde dans lequel on vit, quoi. Merci, Ludo de Witt. C'est fait avec plaisir.